Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. Hier, on a parlé avec Marcel Maltais du dossier de la Ligue JMS. Là, maintenant, on va rejoindre à Matagami, puisqu'il se trouve là actuellement, le nouveau président de la Ligue de hockey JMS, Pierre Gay. Bon après-midi, Pierre. Bon après-midi, Danny. Pierre, si on parlait un peu de la structure de la Ligue, maintenant, c'était annoncé, je ne sais pas si c'est annoncé, là, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouveau comité qui a été formé maintenant au niveau de la Ligue JMS? Oui, on était en restructuration. Alors, on avait perdu déjà, moi, j'avais perdu deux ans. Quand je suis rentré, là, les personnes étaient restées en place avec moi. En cours de route, on avait perdu deux à la première réunion de l'année. Okay. Mais là, en fin de semaine prochaine, ben, il y en a deux autres personnes qui ont démissionné par rapport à le travail, puis par rapport à certaines, disons qu'il y avait des mésententes avec les équipes, puis ça s'est réglé. Moi, personnellement, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien contre moi. Fait que j'ai accepté avec regret de leur départ parce que c'était des hommes clés. C'était des bons hommes clés. Mais j'ai eu le temps de leur virer de bord, puis, là, présentement, tout va bien. On a un comité de discipline en place de 4 personnes qui est complètement en dehors de la ligue et qui est enregistrée. On a une secrétaire qui rentre en place au début de l'année. J'ai présentement un directeur qui va être du côté midget. OK. Après ça, là, aujourd'hui, j'ai parlé avec un registraire, un monsieur de Dolbeau. Je parlais avec, puis il semble bien intéressé à nous donner un coup de main. Ça fait que j'attends sa réponse. Je pensais que c'était lui qui m'appelait tantôt. Ouais. J'attends sa réponse parce qu'il parlait avec André Ducourt, puis il va m'en reparler. Après ça, je vais te dire que là, j'ai la personne qui fait les cédules et les statistiques pour la Ligue, Madame Mademoiselle Boudreau, Marie-Claude Boudreau de Saint-Bruno. Elle demeure à Montréal, mais tout va se faire par Internet. Ouais. Donc, c'est elle qui fait ça. Que Jean-Benoît Petit est en train de donner un coup de main pour monter la jet. Le junior, la CD est terminée. Donc, tout va être en place pour le début de la saison vendredi. On a communiqué avec nos équipes. On leur a dit de ne pas s'en faire. Okay, là, c'est sûr. C'est nouveau. Fait que c'est dur pour tout le monde. Même pour moi, j'arrive dans ça. C'est une jungle. Là. C'est pas facile. Puis c'est une jungle. Mais moi, c'est un défi. Puis je veux le relever. Puis je pense que je vais être capable de le relever. Je vais relever d'autres défis, puis ça, c'en est un qui m'intéresse. Même si je travaille au loin, avoir vu avec toutes les communications qu'on a, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ouais. Puis quand je n'ai pas été à une réunion, ben, c'est mon vice-président qui est allé. C'est-à-dire que normalement, ça marche. Quand t'as un vice-président, il est là pour t'aider. C'est que Danny m'a aidé beaucoup. OK. Pourquoi avoir... J'espère qu'il va demeurer. Pourquoi avoir travaillé pour... vous êtes venu à conclusion, votre groupe, que Marcel Maltais n'était plus l'homme de la situation? Ben, alors, c'est pas moi, j'ai... OK. J'ai rien contre M. Maltais. J'ai travaillé 7 ans avec. Ça a très bien été. Puis, okay. Moi, j'ai rien contre. Moi, quand tu vas en élection, les postes sont ouverts à tout le monde. Moi, j'ai eu du monde qui m'a approché. Donc, j'ai hésité longtemps avant de me lancer. Puis, quand c'était le temps, là, je me suis lancé. Puis, c'est allé en élection. C'est les équipes, les dirigeants d'équipe qui ont voté, qui ont décidé peut-être de me donner une chance. Okay. Moi, c'est du renouveau. C'est Marcel, à 40 ans, là. Ah ouais. Je suis capable de battre ça, moi, là. Ah non, c'est sûr. Puis, c'est un monument, lui, là, Marcel. Là. Ah non, c'est une grosse page d'histoire qui vient de se tourner. Là-dessus, vous avez pris mon entrevue, puis ça fait longtemps que je trouvais avec Marcel, ça fait au moins 10 ans qu'il aurait dû quitter la Ligue. Je trouve ça dommage, tout ce qui arrive, mais écoute, à un moment donné, il a comme couru un petit peu à sa perte aussi, là. Je trouve ça dommage, la fin pour Marcel Maltais. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que Marcel, vous l'avez entendu hier, qu'il avait eu un projet d'avoir une ligue à 6 équipes. Marcel avait travaillé pour avoir 6 équipes. Puis finalement, il y en a d'autres qui voulaient avoir 4 équipes et abolir Robert Val. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, moi, dans le temps avec Marcel, on a travaillé, on avait 6 équipes au début. OK. On a perdu la baie parce que le manque de joueurs. On a toujours essayé d'en remettre la baie avec M. Maltin. On a travaillé fort. La vue, on n'a pas été capable d'y remettre cette place. Ouais, ça, Robert Val, tu sais, c'est... Mais ta Betchouane, en cours de route, on fait défaut. Fait que là, avec Marcel, on a réussi à convaincre Robert Val. Robert Val a voulu avoir une équipe. Fait que là, Robert Val, on remplacé. Robert Val, c'est un remplacement de Métabetchouane. OK. Donc, on a gardé nos trois équipes au lac. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir trois équipes au Saguenay, c'est trois joueurs. Puis, en ayant ça, ben, t'aurais déjà un départage de joueurs. Et là, deux équipes au Saguenay, ils ont plus de joueurs, tandis que les trois équipes, ben, c'est toujours une chicane de joueurs. Qui va avoir lui? C'est le territoire à tous les ans, ça se bombe le territoire, puis c'est normal, je les comprends. Des joueurs juniors, il en pleut plus comme il y en pleuvait avant quand on avait. T'sais, le monde allait jouer avant, c'était un honneur de jouer pour Palma, c'était un honneur de jouer pour Dolbeau. Mais là, aujourd'hui, ils viennent jouer, puis si ça ne fait pas les affaires, ben là, ils s'en vont, ils vont foutre. Ben, vendredi, samedi, allez jouer, je vais y aller. Je n'irai pas. Aujourd'hui, ben, jouer, ça coûte entre 1200 et 1500. Et suite là, le jeune qui va à l'école, c'est pas facile non plus. Il trouve de l'argent. Les organisateurs, eux autres, ils ont de moins en moins de commanditaires parce que c'est rendu avec un surplus d'équipes. Là, c'est les écoles qui ont des équipes. T'sais. Tout est rentre en ligne de compte. C'est difficile, c'est du junior. Mais là, peut-être qu'avec l'avenue du senior, ça va peut-être intéresser plus les jeunes à continuer le jet junior pour essayer de jouer au senior. Chez Marcel, dans le temps, il y avait parti le senior, ça a tombé. Il y en avait parti le senior pour le junior, pour la suite du junior, mais on n'a jamais été capable de la garder. C'est trop dur. Il fallait payer les joueurs. Mais là, cette année, le junior senior. Est-ce que Robert Val est assuré vraiment, là, il va avoir l'appui du président? Parce que moi, ça me fait peur un peu. Je pose la question, là, Marcel, hier, il est content, il dit, il y a des équipes qui voulaient, on l'a bien entendu, qui voulaient abolir Robert Val, puis moi, j'étais contre ça. Est-ce que Pierre Guy va défendre Robert Val et va vouloir que Robert Val demeure? Mais ça me fait peur. Pour moi, on a trois équipes dans la Saint-Rhin, ces trois équipes-là vont rester là. OK. Okay. On va travailler pour ramener la baie. Je sais que les dirigeants de la baie sont intéressés à ramener une équipe senior, pas senior, mais junior. Donc, avec la fusion de hockey mineur au Saguenay, ces trois équipes de repêchage universitaire, ça semble possible. Donc, tu sais, on va travailler plus pour ramener la baie. L'abbé dans la ligue pour avoir six équipes. OK. Dites-moi, Pierre, moi, une affaire que j'ai trouvé dommage aussi dans la ligue JMS, c'était les présences dans les médias. Je trouvais que sous l'ère de Marcel Maltais, les médias, les communications, c'était difficile. On savait rien. Vous avez un site internet, c'est tout, mais il n'y a même pas de Facebook, puis il n'y a même pas de médias sociaux. Puis à l'ère des médias sociaux aujourd'hui, je pense que ce serait important que la Ligue se fasse et arrive en 2017. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va travailler? Parce que vos commanditaires vont demander de l'exposure, puis les médias, c'est toujours intéressant de parler de la Ligue. Qu'avec M. Maltais, on avait réussi à installer des statistiques dans le quotidien, on avait quelqu'un régulièrement. Mais je sais que moi, avec la rencontre que j'ai eue, les équipes sont intéressées. On est à la recherche d'un jeune là, qui est à l'université en ATN qui pourrait s'occuper de faire la publicité puis rentrer en contact avec les journalistes, les stations de radio, pour donner des pointages, puis faire suivre le classement une semaine ou tout. Ça se travaille très fort. Il y a des gars là, qui ont rencontré des étudiants. Là. OK. Parce que je trouve ça important. Je trouve ça important pour vos commanditaires, pour les gens, pour faire parler plus de la Ligue. Moi, je trouve ça très, très important. Dites-moi. C'est sûr que c'est très important, Danny. C'est important. Ouais. Avec nous autres, que ça aide à avancer. OK. Dossier du Jet maintenant. Je veux parler de Chibougamau. Chibougamau je fais des entrevues avec les ambassadeurs, c'est toujours difficile. Il manque de joueurs souvent. Par le passé, ça a toujours été ça. C'était éloigné. Est-ce que Chibougamau également va faire partie de la Ligue et va avoir l'appui également de Pierre Guy là-dessus? Oui, Chibougamau fait partie de la Ligue. Ils sont partie intégrale. Depuis que Marcel les a embarqués dans la Ligue. OK. Ils font partie intégrale, donc on n'a pas raison d'étasser. Le seul nous autres qu'on a au point de vue jet, c'est celle des Comos. Ouais. Et puis la Fédération des embarqués dans la Ligue, c'est sûr que c'est plus dur. Parce que quand tu vas là-bas, c'est comme aller à un tournoi. C'est une fin de semaine de 4-5 000 piastres. Ouais. On travaille en conséquence avec les équipes quand ils vont là. C'est ça qu'il y a dans le temps du tournoi. Puis que les parties vont compter. Donc, ça va être moins pire que monter faire un voyage à Cécile pour aller jouer une game. Fait qu'on essaye avec l'autre. Surtout, dans cette année, Cécile, ils ne sont pas là. Okay. On a vu le Bécomo. Bécomo, d'accord, c'est moins, beaucoup moins. OK, OK. Je ne sais pas comment ils font partie intégrante de la Ligue. Ils vont rester avec l'autre. Bon. Aussi longtemps qu'ils veulent le demeurer. OK, OK. Pierre, le fait que tu es à Matagami, là, je te rejoins à Matagami, est-ce que ça, c'est un problème pour être président de la Ligue? Pas du tout. Pas du tout, OK. Pas du tout. Si, non, moi, regarde, là, on se parle. Ouais. Les communications aujourd'hui, c'est non, c'est vrai. Ouais. Tu sais, tu as l'Internet, tu as Skype, tu as tout. Moi, j'ai des réunions de chantier avec du monde de Val d'Or, okay. Du monde de G1, du monde, tu sais, on le fait sur Skype, on le fait au téléphone. Puis, je suis en contact régulièrement avec mon vice-président. Tous les jours, on se parle. Okay. Et quand on a des décisions, ben, on va se réunir, on se parle au téléphone. On a fait dernièrement le repêchage, là. Ouais. Moi, au lieu de faire descendre, Normandin pour un repêchage de 20 minutes, ben, le monde m'a parlé, on pourrait le faire par conférence téléphonique. Mais conférence téléphonique, moi, j'ai pas de numéro. Je pense que ça prend un numéro de compagnie. Donc, on l'a fait par téléphone, par texte, puis ça a passé numéro 1, ça a pris 25 minutes, puis le repêchage a été fait. Ouais, c'est clair. Normandie, on peut y voir, c'est 3 heures de route. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a un autre aspect aussi. Par le passé, tu avais une équipe comme Saint-Félicien qui avait énormément de joueurs, puis tu avais des équipes qui avaient de la misère. Est-ce que ça, c'est quelque chose? Puis moi, je disais tout le temps aux dirigeants de la Ligue, pourquoi vous ne faites pas un genre de liste de protection? Vous mettez tant de joueurs, puis vous gardez 3-4 joueurs sur la liste de protection qui sont des PA. Et les autres, vous les rendez accessibles à tout le monde. Ça, c'est-tu quelque chose qui pourrait être envisagé éventuellement sur la nouvelle ère? Je ne sais pas si tu comprends ça. Du côté junior, c'est fait parce que M. Maltais avait organisé à les 25, c'est exactement pour ça. Pour que l'équipe ait au moins 25 joueurs, tout ça. Tous les autres joueurs pouvaient aller jouer ailleurs. Côté budget, c'est plus difficile parce que c'est la fédération qui gère. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait en parler à une réunion. Le président de la fédération, que s'ils ont trop de joueurs là, ils n'arrêtent pas de venir jouer à Delbeau. Je ne sais pas de ce côté-là. Là. Okay. C'est un dossier qui est très bon à amener ça. Dernière question, est-ce que vous allez du côté, je prenais votre entrevue avec CKJ, tantôt avec Michel, puis vous parlez des spectateurs avec Michel. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler peut-être pour essayer d'avoir plus de spectateurs? Je sais que c'est dur, je sais que c'est très difficile. Au Saguenay, la demande est très, très forte. Mais est-ce que vous allez peut-être travailler pour essayer d'avoir plus de spectateurs du côté d'Alma, du côté de Normandie? Ben, Normandie, ça va bien. Robert Val et ainsi de suite. Ouais, ben là, Robert Val, c'est pas si pire. C'est pas mauvais. Ouais. C'est pas très bon, mais c'est pas mauvais. Ben, il y a une question de défaite aussi, là. Ouais, il y a le gros, tu sais, il y a beaucoup de calibre. C'est peut-être le manque de publicité. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a le collégial l'après-midi. T'as le junior qui va peut-être jouer le soir, t'as le midget. Ça fait beaucoup de hockey pour le monde aussi, là, c'est ça. Il y a beaucoup plus de monde d'intérêt. Durant la saison, ça se tient. Depuis que j'allais dans toutes les games les fins de semaine avec Marcel, quand tu poignais 150 personnes dans un arena, c'était beau, là, pas Normandin puis Robert Val. Ouais. C'est 150-200, c'était pas mal le top. Jusque dans mon temps, quand j'opérais les Edlons avec ma blonde, on jouait à Saint-Claude-de-Marie, l'arena, c'est vrai qu'elle était pas grande, mais elle était toujours bien pleine. Métabette était plein. On rencontrait mes tablettes d'insérie, on croit au crève d'Allemagne, on remplissait le crève. Tu sais, c'est peut-être la manière. Il y a beaucoup trop de sport, là, pour arriver. Ah, c'est sûr. Il faut se mettre à table. C'est dur, mais il faut se mettre à table. Et ça passe par les médias sociaux. Ça prend un groupe de médias sociaux. C'est rendu là maintenant. Les gens sont là. Il faut vraiment travailler là-dessus. Moi, je vous le dis, mettre plus de publicité également dans les journaux, se rapprocher des médias. Je pense que plus les gens vont entendre parler de la Ligue, plus qu'ils vont peut-être avoir le goût d'y aller. Oui, c'est ça, de ce côté-là, je te donne raison. C'est sûr que plus les gens vont entendre parler, plus on a des chances d'y voir arriver à l'arena. Ouais. Ça, c'est officiel. Puis c'est ce que les équipes ont commencé à parler quand on est notre réunion hier soir. Ça fait que ouais. On va essayer de faire un, un gros boom de ce côté-là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Pierre Guin. Les lignes vont toujours être ouvertes. Ben, déjà, je fais beaucoup d'entrevues avec les gens de Saint-Félicien, les gens de Dolbeau, les gens de Roberval également, mais on va recommencer, évidemment. Puis, gênez-vous pas, c'est la ligne on a besoin. On est là pour ça. Ça me fait plaisir, je te remercie, tu vas avoir de nos nouvelles. Le nouveau président de la Ligue de hockey JMS qui remplace un monument au Seigneur Saint-Jean, Pierre Guay.